Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine sur la charrette avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leurs têtes d'imbéciles congestionnées sur leurs cols raides, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf. Qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont et qu'ils feront scrupuleusement ce qu'on leur a dit sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir. Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter, qu'il faut qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit. Pas toi ? Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que ça fait ? Il y a un silence. Ismène demande soudain. Tu n'as donc pas envie de vivre, toi ? Antigone murmure. Pas envie de vivre ? Qui se levait la première, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue ? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue ? Pour vivre encore un peu de la nuit. Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré qu'on ne pouvait pas tous les prendre. Ismène a un élan vers elle. Ma petite sœur ! Antigone se redresse et crie. Ah non ! Laisse-moi, ne me caresse pas, ne nous mettons pas pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez. Oui. Sers-toi de ces prétextes. Ismène s'est jetée contre elle. Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Antigone est dans ses rêves. Une fille, oui. Mais j'ai assez pleuré d'être une fille. Ton bonheur est là devant toi et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer soudain muette sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Antigone a un petit sourire imperceptible. Des voyous, des petites filles. Et aimons, Antigone. Antigone fermée. Je parlerai tout à l'heure à Aimons. Aimons sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Antigone sourit. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout. Depuis toujours. Va te recoucher, Ismène. Il fait jour maintenant, tu vois, et de toute façon, je ne pourrai rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde, exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi, je n'ai pas envie de dormir, mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Ne risque pas m'apporter à manger. Va dormir encore. Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas ? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Tu serais moins belle demain. Elle la regarde sortir avec un petit sourire triste, puis elle tombe soudain lasse sur une chaise et murmure « Pauvre Ismène ». La nourrice entre. « Tiens, te voilà un bon café et des tartines, mon pigeon. Mange. J'ai pas très faim, nourrice. » Je te les ai grillés moi-même et beurrés comme tu les aimes. Tu es gentil, nounou, je vais seulement boire un peu. Où as-tu mal ? Nulle part. Mais fais-moi tout de même bien chaud, comme lorsque j'étais malade. Nounou, plus forte que la fièvre. Nounou, plus forte que le cauchemar. Plus forte que l'ombre de l'armoire qui ricane et se transforme d'heure en heure sur le mur. Plus forte que les mille insectes du silence qui rongent quelque chose quelque part dans la nuit. Plus forte que la nuit elle-même avec son hurlement de folle qu'on n'entend pas. Nounou, plus forte que la mort. Donne-moi ta main, comme lorsque tu restais à côté de mon lit. Qu'est-ce que tu as, ma petite colombe ? Rien, nounou. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Trop petite pour quoi, ma mésange ? Pour rien, nounou. Et puis tu es là. Je tiens ta bonne main rugueuse qui sauve de tout, toujours, je le sais bien. Peut-être qu'elle va me sauver encore. Tu es si puissante, nounou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ma tourterelle ? Rien, nounou. Seulement ta main, comme cela, sur ma joue. Elle reste un moment les yeux fermés. Voilà, je n'ai plus peur, ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni de Taou-Taou qui passe et qui emmène les enfants. Un silence encore, elle continue d'un autre ton. Nounou, tu sais douce, ma chienne. Oui, tu vas me promettre que tu ne la gronderas plus jamais. Une bête qui salit tout avec ses pattes, ça ne devrait pas entrer dans les maisons, même si elle salit tout. Promets, nourrice. Alors, il faudra que je laisse tout abîmer sans rien dire? Oui. Ah, ça sera un peu fort. S'il te plaît, nounou, tu l'aimes bien avec sa bonne grosse tête. Et puis, au fond, tu aimes bien frotter aussi. Tu serais très malheureux si tout restait propre toujours. Alors, je te le demande, ne la gronde pas. Et si elle pisse sur mes tapis? Promets que tu ne la gronderas tout de même pas. Je t'en prie, je t'en prie. Tu profites de ce que tu câlines. C'est bon, c'est bon. On essuiera sans rien dire. Tu me fais tourner en bourrique. Et puis, promets-moi aussi que tu lui parleras. Que tu lui parleras souvent. A-t-on vu ça? Parler aux bêtes? Et justement, pas comme à une bête, comme à une vraie personne. Comment tu m'entends faire? Ah ça, non, à mon âge, faire l'idiote. Pourquoi veux-tu que toute la maison lui parle comme toi à cette bête? Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pouvais plus lui parler. Plus lui parler? Plus lui parler, pourquoi? Antigone détourne un peu la tête, puis elle ajoute la voix dure. Et puis, si elle était trop triste, si elle avait trop l'air d'attendre tout de même, le nez sous la porte, comme lorsque je suis sorti, il faudrait peut-être mieux la faire tuer, nounou, tant qu'elle est mal. La faire tuer, ma mignonne? Faire tuer ta chienne? Mais tu es folle ce matin! Non, nounou, aimons paraît. Voilà, aimons. Laisse-nous, nourrice. Et n'oublie pas ce que tu m'as juré. La nourrice sort. Antigone court à Aimon. Pardon, Aimon, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort, je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné, à peine avais-tu claqué la porte. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. Il la tient dans ses bras, il sourit, il la regarde. À qui l'avais-tu volé, ce parfum? À Ismène. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe? Aussi. En quel honneur t'étais-tu faite si belle? Je te dirai. Elle se serre contre lui un peu plus fort. Oh mon chéri, comme j'ai été bête, tout un soir gaspillé. Un beau soir. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes aussi. C'est plein de disputes, un bonheur. Un bonheur, oui. Écoute, Aimon, oui. Ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Et serre-moi plus fort que tu m'as jamais serré, que toute ta force s'imprime dans moi. Là, de toute ma force. C'est bon. Il reste un instant sans rien dire, puis elle commence doucement. Écoute, Aimon. Oui, je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Oh, je l'aurais serré si fort qu'il aurait jamais eu peur, je te le jure, ni du soir qui vient, ni de l'angoisse du plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon, Aimon, il aurait eu une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, toi, n'est-ce pas? Oui, mon amour. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que tu aurais eu une vraie femme? Mais j'ai une vraie femme. Elle crie soudain, blottie contre lui. Oh, tu m'aimais, Aimon. Tu m'aimais, tu es bien sûr, ce soir-là. Mais quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal, où tu es venu me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompé de jeune fille. Tu es bien sûr que tu n'as jamais regretté, depuis jamais pensé, même tout au fond de toi, même une fois, que tu aurais dû plutôt demander Ismène. Idiote. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas, ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je suis noir et maigre, Ismène est rose et doré comme un fruit. Antigone. Ah, je suis toute rouge de honte, mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Oui, Antigone. Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fier d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant, sans penser, comme sur une chose bien à toi. Elle s'est détachée de lui, elle a pris un autre ton. Voilà. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Tu vois comme je te le demande. Jure-le-moi, s'il te plaît, Aimon. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Aimon, après un temps, je te le jure. Merci. Alors voilà. Hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venu avec une robe d'Ismène, ce parfum et ce rouge aux lèvres. J'étais bête, je n'étais pas très sûr que tu me désires vraiment. Et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. C'était pour cela? Oui. Et tu as ri, et nous nous sommes disputés, et mon mauvais caractère a été le plus fort, je me suis sauvé. Mais j'étais venu chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Il recule, il va parler, elle crie. Tu m'as juré de pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, Aimon. Elle dit plus bas, humblement. Je t'en supplie. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même, parce que je t'aime comme ça, moi, très fort, et que je vais te faire de la peine, mon chéri, pardon, que jamais... Jamais je ne pourrai t'épouser. Il est resté muet de stupeur. Elle court à la fenêtre, elle crie. Aimon, tu m'as juré. Sors. Sors tout de suite sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. Je te le jure. Aimon, je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve, du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant, pars vite. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. Elle achève avec un tel cri de désespoir qu'Aimon obéit et s'éloigne. S'il te plaît, pars, Aimon. C'est tout ce que tu peux faire. Encore pour moi, si tu m'aimes. Il est sorti. Elle reste sans bouger le dos à la salle, puis elle referme la fenêtre. Elle vient s'asseoir sur une petite chaise au milieu de la scène et dit doucement, comme étrangement apaisée, « Voilà, c'est fini pour Aimon. » Antigone. Ismène est entrée appelant. « Antigone, ah, tu es là. » « Oui, je suis là. Je ne peux pas dormir. » J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer, malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimons, nous et moi. Et Douce, ta chaîne, nous t'aimons. Nous sommes vivants, nous avons besoin de toi. Polynice est mort. Et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture. Puisque c'est la loi de Créon, ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout toujours, mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit. Je t'en supplie. Antigone s'est levée, un étrange petit sourire sur les lèvres. Elle va vers la porte et du seuil, doucement, elle dit « C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. » Elle est sortie. Ismène la suit avec un cri « Antigone !» Dès qu'Ismène est sorti, Créon entre par une autre porte avec son page. Créon, un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre? Fais-le entrer. Le garde entre, c'est une brute. Pour le moment, il est vert de peur. Le garde se présente au garde à vous. Garde Jonas, de la deuxième compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les trois. On est tous les trois du piquet de garde, chef, autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? On est trois, chef, hein? Je ne suis pas tout seul, hein? Les autres, c'est Durand et le garde de première classe, Boudouce. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Hein? Moi, je l'ai dit tout de suite, moi. C'est le première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est le première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non, ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le première classe, chef? Non, parle, puisque tu es là. J'ai 17 ans de service, chef. Je suis engagé volontaire. La médaille, deux citations. Je suis bien noté, chef. Hein? Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle, de quoi tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être le première classe. Moi, je suis